Cette émission est réalisée en partenariat avec les ministères de la Culture, des Communications et de la Condition féminine. Ici Sophie Gall, bienvenue à l'émission Égalité Genre Féminin. Aujourd'hui, à l'émission, on aborde la vaste question de l'emploi pour les femmes immigrantes. Cette semaine, on va parler de l'intégration professionnelle, alors que la semaine prochaine, on traitera du thème de l'entrepreneuriat chez les femmes immigrantes. L'intégration professionnelle, hein, c'est un grand défi pour ces femmes qui arrivent de loin, qu'elles soient jeunes ou moins jeunes, diplômées ou non. Alors pour parler de tout cela, je reçois Madame Randolph du service d'orientation et d'intégration des immigrants. Puis je vais m'entretenir avec Madame Bisping qui nous parle d'un nouveau programme qui accompagne les nouveaux arrivants qui n'ont pas droit au service d'emploi Québec. Je vous présenterai aussi un guide qui s'adresse aux employeurs qui souhaitent embaucher des travailleurs et travailleuses immigrants. Dans la deuxième partie de l'émission, je discuterai avec Sandrine Gérard d'Options Travail, avec qui on s'intéressera aux plus jeunes de ces femmes immigrantes qui aspirent elles aussi à trouver un emploi. Pour la capsule historique, c'est Mamadou Diop qui posera un regard historique sur l'intégration professionnelle des femmes immigrantes. Et pour le portrait, j'ai donné le micro à Tatiana, une Brésilienne qui travaille à l'hôtel de ville depuis quelques mois. L'intégration professionnelle, je ne vous apprendrai rien en disant qu'en matière d'intégration, avoir un emploi est déterminant puisque c'est souvent la porte d'entrée pour des relations sociales, un apprentissage de la société québécoise, mais aussi, et c'est important, c'est gagner de l'argent. Pour les natifs de Québec, trouver un emploi, c'est pas toujours une chose aisée. Alors on peut imaginer que ça peut devenir un vrai casse-tête lorsqu'on est immigrant. Il faut faire valoir ses expériences professionnelles et ses diplômes, il faut se créer un réseau. Pour une personne nouvellement arrivée, savoir où et à qui s'adresser, c'est pas forcément évident. Certaines personnes immigrantes se heurtent aussi à la réticence de certains employeurs à embaucher des personnes étrangères. Bref, trouver un emploi peut être un vrai parcours du combattant pour les immigrants et immigrantes. Et une fois l'emploi trouvé, il ne correspond pas toujours aux qualifications acquises dans son pays d'origine. L'équité salariale à compétences égales n'est pas toujours une réalité. Autant d'irritants qui, en plus de générer la sensation d'une acceptation incomplète dans la société d'accueil, peuvent être à l'origine d'une baisse d'estime de soi, d'une baisse de morale aussi. On va donc s'intéresser à l'intégration professionnelle des femmes immigrantes et aux services qui leur sont offerts pour contourner ces différents écueils. Alors j'en ai discuté avec Micheline Randolph du SWAT, le service d'orientation et d'intégration des immigrants au travail. Madame Randolph, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous dire en deux mots qu'est-ce que le SWAT? Le SWAT, si on peut le définir, c'est un organisme qui aide les immigrants à intégrer le marché du travail dans la région de Québec. Mm-hmm. Et donc, c'est les immigrants nouvellement arrivés qui ont recours à vos services? Pas forcément nouvellement arrivés, mais en majorité nouvellement arrivés. Mais il y a aussi ceux qui sont arrivés ici depuis au moins 5 ans, 10 mm-hmm. ans, ça dépend du cas de chacun. Ok. Et est-ce que ce sont seulement les résidents permanents qui peuvent bénéficier de vos services? Non, pas seulement les résidents permanents, mais aussi ceux qui ont le permis de travail mm-hmm. ou la sélection de Québec, d'accord. du gouvernement de Québec. Donc les demandeurs d'asile, les demandeurs d'asile, les réfugiés. Mais avec permis de travail. Avec okay. permis de travail. C'est une catégorie bien particulière. Oui, c'est ça. Et okay. les citoyens canadiens, bien entendu. D'accord. Et la clientèle du SWAT est-elle plus constituée d'hommes ou de femmes, de manière générale? Disons, à peu près la même chose. Et j'ai les chiffres. Oui. 54% des hommes, 46% des femmes l'année dernière. Donc, un peu moins de femmes. Oui. Est-ce que c'est parce qu'elles ont tendance à se chercher du travail toutes seules, de leur côté? Pas forcément. Non? Je pense qu'il y a une... partie des immigrants qui se cherchent toutes seules du travail, aussi bien les hommes que les femmes. Mm-hmm. Mais ça peut tenir aussi du côté des femmes, ça peut tenir aussi par le fait que ces femmes-là ont des enfants à la maison. Elles restent à la maison. Ou qu'elles ont accouché et qu'elles ne peuvent pas intégrer le marché du travail rapidement. OK. Et elles attendent que les enfants aient 2-3 ans avant de chercher du travail. Oui. Mm-hmm. Et s'agissant de l'intégration professionnelle, est-ce que vous pensez que la situation est équivalente, que l'on soit homme immigrant ou femme immigrante? Ou est-ce qu'il y a des différences notables? Je parle de facilité de trouver de l'emploi, l'appréciation des employeurs, etc. Mais moi, je pense que quand l'employeur a besoin d'embaucher du monde, Et les hommes et les femmes immigrantes ont les mêmes chances. Mm-hmm. Peut-être qu'il va y avoir d'autres choses, comme je dis, les enfants à la maison pour la femme immigrante, qui va faire qu'elle va hésiter plus ou elle va être plus lente à intégrer le marché du travail, mais je ne pense pas que ça vienne des employeurs. Mm-hmm. Parce que c'est vrai qu'il y a une étude qui est parue récemment et qui faisait mention qu'être immigrante pouvait être un obstacle en soi, parce qu'il y avait la reconnaissance difficile des diplômes, certaines déqualifications, mais que aussi être une femme pouvait être un facteur discriminant supplémentaire, et ça l'est d'autant plus quand ces femmes ont des enfants. Alors, comment vous réagissez par rapport à ces données-là? Mais nous, on ne le sent pas vraiment avec nos clients, parce qu'on pense qu'ils ont une égalité de chance sur le marché du travail. Et quand une femme a les compétences recherchées, l'employeur n'hésite pas à l'engager. Très bien. Et quelles sont les principales difficultés qu'une femme qui fait appel à vos services rencontre? Elle vient d'arriver. Quelle est sa difficulté pour trouver du travail? Je peux vous dire tout de suite, d'entrée de jeu, que ce sont les mêmes difficultés qu'avec les hommes immigrants. Et c'est la reconnaissance des diplômes. Il faut faire ses équivalences au ministère de l'immigration ici à Québec. Et c'est l'expérience de travail qui n'est pas acquise ici à Québec, mais plutôt dans un pays à l'étranger. Et il y a aussi les ordres professionnels, les associations professionnelles. Ça va dépendre du cas de chaque personne, si cette personne peut entrer dans les ordres ou pas. Quelquefois, il faut aller faire des mises à niveau, il faut aller mettre ses compétences à jour. Et dans certains cas plus dramatiques, il faut reprendre les études. On parle souvent d'un problème de déqualification chez les femmes immigrantes qui cherchent un emploi. Qu'est-ce que vous pouvez me dire à ce sujet-là? C'est vrai qu'il y a des qualifications pour les femmes immigrantes, mais il y en a aussi pour les hommes, bien sûr, parce que je n'aime pas beaucoup séparer les problèmes des hommes et des femmes immigrantes. Mais on remarque une sorte de flexibilité plus grande avec les femmes qu'avec les hommes immigrants. Et la femme immigrante, quand elle arrive comme professionnelle, qu'elle vient se heurter aux ordres professionnels, aux associations professionnelles, que ça demande beaucoup de temps pour retourner aux études ou bien de perfectionner le français afin de pouvoir exercer dans ce domaine, et elle va être plus flexible, elle va accepter plus facilement un travail de femme de chambre dans un hôtel, un travail d'aide cuisinière, un travail de vendeuse dans les magasins qui sont plus faciles à obtenir. Et plus elle va le faire de plus de bonne volonté que l'homme. Mais est-ce que ça induit pas le risque qu'elle reste dans ces métiers-là et par le fait même de ne pas répondre à ses ambitions? C'est ça qui arrive avec le temps. Parce que peu de femmes, après ça, peuvent sortir de ce cercle vicieux pour aller prendre des cours de perfectionnement et de tenir à retourner dans leur domaine. Souvent, elles vont faire carrière justement comme vendeuse, devenir chef d'équipe ou autre chose. Mais ça, c'est vrai qu'il y en a qui ne peuvent plus ressortir de ce circuit ici. Donc, la déqualification, c'est un réel problème bien chez les femmes. Bien sûr. D'accord. Et comment ici, vous cherchez à contrer ça, parce que c'est vrai que c'est un petit peu la solution de facilité, je dirais, mais en même temps, on s'entend que c'est pas le but d'une vie de se dire « Ah bon, bah, je vais pas exercer mon métier, je vais renoncer à ma passion, à mes diplômes, à mes compétences acquises ailleurs pour gagner un salaire immédiatement, finalement. Ouais, je pense que c'est ça qui les motive. Ouais, ouais. Comment vous agissez par rapport à ça? Mais on ne peut rien faire parce qu'on n'a aucune influence sur les employeurs. C'est les employeurs qui prennent leurs décisions. Et sur la femme, la personne non plus, si la personne veut aller travailler comme vendeuse parce qu'elle a besoin de gagner sa vie, elle a besoin d'élever ses enfants, on ne peut pas lui dire non, reste à la maison et croise-toi les bras, puisque de toute façon, elle ne peut pas accéder à son domaine. Est-ce que vous avez un programme de sensibilisation pour les potentiels employeurs? Parce que oui, il faut que les nouveaux arrivants, les immigrants, se fassent au marché du travail d'ici, mais il faut que les employeurs, eux aussi, soient prêts à les engager. Alors, est-ce que vous travaillez un petit peu sur ces deux fronts? Disons qu'on a ici au service d'orientation, au SWAT, un service de référence aux employeurs qui ont leur banque d'employeurs, banque d'employés, et ces personnes-là font de la sensibilisation à l'extérieur, mais il n'y a pas de programme en tant que tel. On participe souvent aussi à des salons de l'emploi, on participe aussi à des colloques où des employeurs aussi viennent parler. On initie aussi beaucoup de colloques dans ce sens-là. Et disons que le travail pour le service de référence est fait sur le plan individuel d'agent de référence avec une entreprise en particulier où cette personne place un immigrant. Ok, donc c'est plus du cas par cas. Oui, c'est ça, c'est plus du cas par cas. On va évoquer certains aspects, disons, plus techniques. Lorsqu'une femme arrive avec son bagage professionnel, son expérience personnelle et une scolarité à l'étranger, comment doit-elle s'y prendre pour rédiger son CV ? Alors, ça peut paraître un peu simpliste comme question, mais un CV, c'est souvent le premier contact avec un employeur. Donc, c'est la clé qui doit ouvrir la porte. Alors, il faut la bonne clé. Alors, pour travailler le CV de cette cliente-là, on va regarder tout son parcours professionnel. La principale difficulté, c'est d'adapter les termes de là-bas aux termes d'ici pour que l'employeur ici puisse comprendre rapidement qu'est-ce que la cliente a fait à l'extérieur. Quelquefois, même les titres de l'emploi d'un pays à l'autre changent. Alors, il faut trouver c'est quoi le terme adéquat ici. J'ai un exemple d'une cliente elle m'a dit qu'elle est responsable des groupes. Elle travaille en administration dans un hôtel en Afrique. Et en faisant la recherche ici, j'ai vu que ça s'appelait coordonnatrice d'événements en hôtellerie. Ou coordonnatrice de congrès, des affaires comme ça. Donc, il faut alors adapter le bon terme au CV pour que ça attire l'employeur du premier coup pour que l'employeur comprenne. Quand l'employeur ne comprend pas, il ne peut pas connaître les compétences de cette cliente-là. Donc, tout va se traduire dans le français utilisé sur le marché du travail ici à Québec. Et on va essayer de mettre les compétences, l'expérience de la personne sur la première page. Oui, pour que ce soit mis en valeur. C'est ça, pour que ça soit mis en valeur. Et comment vous initiez les femmes étrangères aux réalités du marché du travail québécois? Ben, on leur fait des formations. On a plusieurs sortes de formations ici. Et il y a des formations qui parlent uniquement du marché du travail. Ça prend une journée, surtout pour ceux qui font de l'orientation scolaire et professionnelle. Et dans tous les autres ateliers, on parle du marché du travail. On parle des métiers en pénurie. On parle des secteurs d'emploi. Et on lui apprend donc à faire son CV, à faire des appels téléphoniques, à faire des pistes d'emploi avec les adresses des employeurs et les téléphones qui vont servir aux appels téléphoniques. On les prépare à l'entrevue d'emploi et on fait des entrevues d'emploi simulées sur vidéo avec des commentaires, des visionnements avec commentaires. Et est-ce qu'il y a aussi, par exemple, des visites d'entreprise, des échanges avec les employeurs, oui, des stages? Oui, c'est ça. Il y a un programme ici où ils peuvent faire des visites ou une journée dans une entreprise ou des visites dans des entreprises de leur domaine, dans une entreprise de leur domaine plutôt. Et on a aussi des stages. On peut les intégrer sur le marché du travail par des programmes qui finissent par des stages. Et moi, justement, j'anime un atelier qui dure ici 6 semaines. On appelle ça un projet préparatoire à l'emploi. Et ça finit par un stage de 4 semaines dans une entreprise. On a aussi les politiques du centre local d'emploi qui sont les subventions. Et il y a une subvention qui s'appelle PRIME qui est adaptée aux immigrants qui cherchent de l'emploi dans leur domaine à Québec, ici. Très bien. Sur votre site internet, il est stipulé que vous avez un programme de mentorat. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui, on appelle ça aussi le jumelage professionnel. Donc, c'est dans le but d'intégrer les personnes ou bien de les arrimer au marché du travail dans leur domaine. On va chercher un mentor qui peut être immigrant ou québécois. mais qui a au moins 5 ans d'expérience dans le domaine de l'immigrant à qui on cherche ce mentor-là. Mm-hmm. Il va y avoir une série de rencontres, 6 à 7 rencontres, où le mentor, la première fois, va regarder le profil professionnel de la personne, son parcours professionnel surtout. Et ensuite, à partir du parcours professionnel, le mentor va l'aider à avoir un réseau, à bénéficier du réseau du mentor. Ici, il va lui présenter des personnes. Mm-hmm. D'abord, on ne parle pas d'emploi parce que le mentoré, comme on dit, oui. L'immigrant qui cherche, ne doit pas avoir l'attente d'un emploi de la part du mentor. Oui, le mentor n'est pas un employeur. Le mentor aussi, on le prévient qu'il n'est pas un employeur. Et il n'est pas là pour donner du travail au mentoré. C'est pour donner certaines informations capitales que le mentoré ne peut pas avoir par lui-même, mm-hmm. sans pénétrer son domaine. Avec, par exemple, un ingénieur mécanique, qu'est-ce qu'il fait ici? Et le mentor regarde le CV du mentoré, regarde si les termes sont bien adaptés, si ses compétences sont bien à jour. Donc, il lui donne beaucoup d'informations dans ce sens-là. De manière générale, combien de temps prend un processus d'intégration professionnelle pour quelqu'un qui utilise vos services? C'est vraiment très variable. Ça dépend du profil de la personne, ça dépend du domaine. Uh-huh. Et si le domaine est très en pénurie ici, la personne va trouver très rapidement. Ça peut être moins d'un mois, mais ça peut faire aussi 6 mois, 1 an, 2 ans pour certains. Donc, on ne peut pas prévoir ça. Et j'imagine que si quelqu'un trouve un emploi au bout d'un ou deux mois, alors ça, c'est parfait. Mais si ça dure plus longtemps, comment vous gérez le stress, un peu la détresse psychologique que cela peut induire chez la personne? Nous faisons toujours, suite aux ateliers ici, avec la recherche d'emploi de la personne, nous faisons toujours un suivi avec cette personne-là pendant plusieurs mois. On lui donne d'autres stratégies. On va essayer les lettres de subvention, par exemple. D'accord. Quand la personne ne peut pas décrocher tout de suite. Mais il faut voir aussi si le domaine est très rare à Québec. Quand le domaine est très rare, ça peut prendre plus de temps. Parce que si le domaine n'est pas en pénurie, ça peut prendre plus de temps. Ouais. Mais la personne, on va peut-être la conseiller aussi de chercher plus large que la région de Québec. Et quand les personnes trouvent un emploi, est-ce qu'il y a un suivi qui est fait une fois qu'elle est en emploi? Avec le service de référence, il y a un suivi en emploi pour le maintien en emploi. C'est ça, oui, c'est important. Et il y a des moments aussi où il surgit des problèmes avec l'employeur ou avec des collègues de travail. Quand c'est signalé par l'employeur, le service de référence peut se rendre là-bas pour faire une médiation interculturelle. Ok, parce que c'est ça, c'est des problèmes d'ordre interculturel? Culturel ou d'attitude aussi. Ok, est-ce que vous avez des exemples un petit peu à nous donner? Mais je veux dire, est-ce que c'est une mésadaptation du nouvel arrivant ou est-ce que c'est les Québécois qui travaillent là? Ça peut être une incompréhension des deux côtés quelquefois. D'accord. Quelquefois, ça peut être une incompréhension ou une mauvaise interprétation de l'employé. Mm-hmm. Alors, quand on lui explique... Quand on discute avec lui, plus l'employeur, ça clarifie le problème et les choses rentrent dans l'ordre. D'accord, donc à partir du moment où quelqu'un a trouvé un travail, vous ne le lâchez pas complètement. Non, non, non. Vous suivez pour que ça se passe pour le mieux et puis que ça dure surtout. C'est ça, exactement. Merci beaucoup, Madame Randolph. C'est rien, ça me fait plaisir. Au revoir. Au revoir. Un autre problème se pose quand on parle d'intégration professionnelle pour les femmes immigrantes, c'est que certaines d'entre elles ne peuvent pas bénéficier des services d'Emploi Québec. Un nouveau programme a vu le jour pour remédier à ça, et j'en parle avec Madame Thérèse Bisping. Bonjour Madame Bisping, vous travaillez pour le Centre Libre Emploi et votre mission est d'accompagner votre clientèle vers l'autonomie dans la recherche d'emploi. Et depuis le début juin, vous avez lancé un nouveau programme qui s'appelle Insertion Québec Libre Emploi, qui vise à venir en aide aux immigrants dans leur intégration professionnelle. Alors, est-ce que vous pouvez brièvement me décrire qu'est-ce que ce nouveau programme, comment ça se décline? Tout à fait. En fait, nous visons une clientèle particulière parmi les immigrants. Ce sont ceux qui n'ont pas accès présentement aux services d'aide à l'emploi offerts par les organismes dans la région. Mais qui sont ces immigrants qui n'ont pas accès au programme d'emploi Québec? Alors, il s'agit d'une très grande variété de types d'immigrants, demandeurs d'asile, travailleurs temporaires voulant devenir résidents permanents, puis citoyens, des personnes qui accompagnent un conjoint qui peut être appelé à faire un stage postdoctoral, par exemple. Donc, comment ça se décline, votre nouveau programme? Il me semblait qu'il y avait 3 volets. Effectivement. Donc, le nom du projet, c'est Insertion Québec Libre Emploi. Il se découpe en 3 volets. Le premier volet, c'est aussi le premier dans le temps. Donc, il se déroulera jusqu'à la fin d'octobre. C'est le projet Jeune, où nous allons dans les établissements scolaires, aussi les établissements de formation pour adultes, où la jeunesse immigrante soit est en voie de francisation, soit complète ses études secondaires, collégiales. Très bien. Pour faire un peu la promotion de la région auprès de la jeunesse immigrante. OK. Et le deuxième volet? Deuxième volet, c'est vraiment l'aide à la recherche d'emploi. C'est le gros du projet d'octobre à mars, de venir en aide aux personnes immigrantes, réfugiés, demandeurs d'asile, travailleurs temporaires voulant rester, qui n'ont pas accès à des services d'aide à l'emploi. Et le troisième volet va décliner comment? Troisième volet, c'est l'aide aux employeurs qui cherchent de la main-d'œuvre, qui voudraient avoir accès à cette clientèle qui ferait de la main-d'œuvre disponible immédiatement pour eux, ayant déjà le permis de travailler. Mais pour le moment, ces gens-là ne peuvent pas faire de CV, ne savent pas comment faire un CV. D'accord. Donc, en fait, vous faites le lien entre les immigrants et les employeurs pour qui c'est pas nécessairement évident d'aller chercher cette main-d'œuvre-là non plus. Donc, vous travaillez sur 2 fronts réellement. Alors, en fait, ce qu'on compte faire, ça existe déjà, mais pas pour les immigrants n'ayant pas accès aux services d'emploi Québec. C'est une banque de CV de personnes immigrantes. Et alors, tous ces immigrants qui n'ont pas accès aux services d'emploi Québec, est-ce que c'est une tranche importante de la population de la ville de Québec? Est-ce qu'on sait quel pourcentage ou quel chiffre ça représente? De mon côté, je ne suis pas en mesure de donner le chiffre. Par contre, vous connaissez peut-être le portrait de l'immigration qui vient d'être brossé par la ville de Québec de manière assez détaillée. Ce portrait-là ne tient pas nécessairement compte des immigrants de ce statut-là. D'accord. Qui ne rentrent pas dans le statut résident permanent. Mais alors, ces immigrants-là qui n'ont pas ce statut de résident permanent, est-ce qu'ils ont tout de même le droit de travailler? Alors, c'est variable et ça se joue dans le temps. Parfois, ils peuvent avoir un permis de travail émis par le gouvernement fédéral et accompagné d'un numéro d'assurance sociale qui commence par 9. Eux n'ont pas accès aux services d'aide à l'emploi d'Emploi Québec, mais légalement, ils ont le droit de travailler, donc un employeur pourrait les embaucher. Donc, vous donnez le petit coup de main pour ces personnes-là. C'est exact. D'accord. Et pour ces gens-là aussi, qui sont souvent en processus de francisation, généralement, pour trouver un emploi, ils doivent attendre d'avoir terminé leur apprentissage de la langue française. Donc, est-ce que vous allez aussi les aider peut-être à parvenir à trouver un emploi avant, ce qui les aiderait d'une part dans leur intégration, mais aussi dans leur apprentissage du français, hein? Quand on est en contact avec des Québécois, ça va généralement plus vite. Alors, en fait, il y a une double réponse à cette question. Oui, l'existence d'un projet comme Insertion Québec met les gens plus rapidement en voie d'insertion. Par contre, nous ne voulons pas mettre en danger leur francisation. Il ne faudrait pas que quelqu'un se retrouve en emploi à temps plein dans un milieu qui l'empêcherait de parfaire sa francisation. Et quel genre d'emploi on pourrait imaginer, par exemple, pour des femmes immigrantes qui sont en processus d'obtenir des papiers, en processus de francisation? Quel genre d'emploi on peut imaginer qu'elles pourraient occuper? Je vous donne 2 exemples vécus, mais il y a quelques années de mon milieu d'origine, je suis d'origine polonaise, quand il y a eu un grand nombre de personnes qui sont venues ici, un nombre différent de statuts, de rapidité de voie d'intégration. Certaines ont aidé dans des familles à élever des enfants. La plupart parlaient anglais, mais non pas français couramment à leur arrivée. Certaines ont pu donner des cours d'anglais. Certaines ont pu s'intégrer par le sport parce qu'elles avaient cette force-là dans leur pays d'origine. Alors, quand ce n'était pas des emplois, c'était une voie d'intégration par le bénévolat, par l'implication sociale, qui faisait qu'elles avaient un réseau d'amis québécois. Elles parlaient français par choix, dans leur temps libre. ça leur rendait aussi plus facile le suivi des enfants qui s'intègrent plus vite parce qu'ils ont des copains à l'école. Mm-hmm. Et alors, ce fameux programme commence quand exactement? Donc, pour l'aide aux adultes, c'est le 26 octobre que nous allons démarrer les services mm-hmm. d'aide à la recherche d'emploi. D'accord. Et au niveau des inscriptions, est-ce que ça va bon train? Les inscriptions vont assez rapidement parce qu'en fait, il y a aussi des organismes qui desservent la clientèle immigrante et qui se heurtent à cette impossibilité de leur donner les services lorsqu'ils n'ont pas accès aux services offerts par Emploi Québec. Mm-hmm, effectivement. Est-ce que dans les inscriptions, il y a autant d'hommes que de femmes ou il y a une différence marquante? Ce qui, pour le moment, est étonnant, il y a beaucoup de femmes. C'est vrai que dans notre réseau de partenariat, ça varie. Il y a des organismes qui vont plutôt intervenir auprès des femmes, mm-hmm. d'autres auprès des hommes, d'autres clientèles universelles, comme nous, à Libre Emploi. C'est une clientèle universelle. Mais pour les personnes qui ont téléphoné pour ce programme, pour le moment, c'est une majorité de femmes. Qui sont ces femmes-là qui ont recours à vos services? Est-ce que, par exemple, ce sont des épouses de travailleurs qui, eux, ont leur résidence permanente et qui ont un permis de travail spécial? Est-ce que c'est des femmes qui veulent contrer un certain isolement aussi, peut-être? Pour le moment, la plupart des personnes qui m'ont contactée appellent pour elles parce qu'elles ont besoin de travailler. Mm-hmm. Parfois, ont déjà travaillé, ont le droit de travailler, mais ont besoin d'une aide vraiment ponctuelle à la recherche d'emploi, mm-hmm. faire un CV, chercher dans l'Internet. Mm-hmm. Et puis, je me suis laissé dire que vous parlez aussi un petit peu du marché caché de l'emploi. Alors, qu'est-ce que ça représente quoi, ce marché caché de l'emploi pour les femmes immigrantes? En fait, pour tous les travailleurs et les chercheurs d'emploi, c'est environ 80 % des emplois à Québec qui ne sont pas affichés, mm-hmm. ni dans l'Internet, ni dans les journaux. Ça passe par des réseaux. Mm. Un exemple, un employeur va dire à un autre employeur, « Connais-tu quelqu'un ?» Et lorsqu'on vient de l'extérieur, c'est difficile d'accéder à ces réseaux-là. On n'est pas branché sur ce type de réseau. Effectivement. Et puis, qu'en est-il de la recherche d'emploi après 45 ans pour les immigrantes? Parce que ça peut être un défi supplémentaire, là, l'âge. Alors, encore là, pour tous les travailleurs, effectivement, plus dans le passé, mais ça existe encore, il y avait une difficulté un peu plus grande de se replacer après l'âge de 45 ans, un chômage d'un peu plus longue durée. Mm-hmm. Pour les femmes immigrantes au-delà de 45 ans, l'apprentissage de la langue crée un problème si elles ne sont pas déjà francophones. Mm-hmm. Souvent aussi, on est en situation un peu plus complexe sur le plan familial. On a des responsabilités, des obligations financières et familiales. Alors, la recherche d'emploi pose question. Alors, merci beaucoup, Madame Bisping. Votre nouveau programme commence donc très bientôt, le 26 octobre. On va mettre les coordonnées du centre sur notre site pour les gens qui seraient intéressés aussi. Très bien. Merci. Avec mes invités, on a effleuré la question des employeurs. On a tendance à les oublier un peu quand on parle d'intégration professionnelle des immigrants, à tort, parce que eux aussi, face à de potentiels employés étrangers, ils doivent se former, ils doivent s'adapter. Alors, pour donner un coup de pouce à ces employeurs dans leur souhait d'embaucher des immigrants et des immigrantes, l'Alliance des conseils sectoriels a publié la feuille de route pour l'embauche et le maintien en poste des travailleurs formés à l'étranger. Ce document, c'est une sorte de guide qui apporte des réponses aux employeurs à des questions telles que pourquoi engager des travailleurs étrangers, où et comment recruter ces personnes, comment gérer les différences culturelles, linguistiques, mais aussi comment évaluer des compétences acquises à l'étranger. Alors cette feuille de route, c'est aussi une mine de conseils sur l'intégration des immigrants et immigrantes au sein de l'entreprise, donc une fois l'embauche effective. On y parle de relations entre les employés, qu'ils soient natifs ou étrangers. Il y est aussi question de créer un milieu de travail inclusif, ça c'est très important, de savoir mettre aussi à profit toutes les aptitudes des travailleurs. Alors le tout vise bien entendu à préparer et à inciter les employeurs à engager des travailleurs du monde entier, mais aussi à développer des programmes destinés aux travailleurs immigrants. En fait, chaque employeur est invité à faire part de ses remarques, de ses besoins, de ses expériences aussi en matière de ressources humaines venues de l'extérieur du Canada à leur conseil sectoriel, cette démarche aidant les entreprises dans leur planification et leur développement de ressources humaines. Vous pourrez trouver ce document sur le web au www.compétences.gc.ca. Le compétences, c'est sans accent et au pluriel. Mais le plus simple, c'est encore de visiter le site internet de l'émission. Vous trouverez le lien qui vous mènera à cette feuille de route. Alors rendez-vous au www.ckiafm.org. Cliquez sur le bandeau de l'émission Égalité genre féminin et sous l'onglet Archives, vous retrouverez chacune de nos émissions avec toutes les informations et références s'y rapportant. Avant de poursuivre l'émission, je voulais aussi faire un petit retour en arrière. Lors de l'émission du 16 septembre 2009, j'avais rencontré Esther Lapointe, directrice du groupe Femmes Politiques et Démocratie. Elle nous parlait d'un livre, d'ailleurs, Je suis aussi d'ici, qui regroupe 16 portraits de personnes immigrantes, des personnes immigrantes qui sont très impliquées socialement. Les 5 exemplaires de ce livre sont à gagner par les auditeurs, alors vous nous écrivez à l'adresse suivante genreféminin.ckifm@commercialmeduse.org. Je tiens à signaler aussi qu'il existe un documentaire qui s'intitule « D'ailleurs, je suis aussi d'ici ». Le lancement a eu lieu dernièrement dans le cadre de la Semaine québécoise des rencontres interculturelles. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site du groupe Femmes, Politique et Démocratie au www.gfpd.ca. On se retrouve après une courte pause publicitaire. Je discuterai avec Sandrine Gérard d'Option Travail. Bouchereau Lingua International offre des cours de langue. Perfectionnez votre français ou votre anglais en suivant des cours en groupe ou en privé. La maîtrise de ces deux langues est un atout majeur pour une bonne intégration professionnelle. Nos professeurs expérimentés vous accompagneront dans votre apprentissage. Il vous est possible de vous inscrire en tout temps. Contactez Bouchereau Lingua International au 418-692-1370 ou en visitant le bli.ca. En devenant membre de CKIA 88.3, non seulement vous encouragez la station qui vous tient à cœur pour sa programmation diversifiée et ses musiques éclectiques, mais aussi, vous économiserez chez de nombreux commerçants partenaires. Être membre de CKIA, c'est un investissement à double sens. Adhérez et découvrez. Bonjour, ici Claude Lamotte, violoncelliste, compositeur. Vous écoutez CKIA FM 88,3. Et tendez l'oreille, on parle de vous. Continue notre réflexion sur l'intégration professionnelle des femmes immigrantes. Alors, je suis avec Sandrine Gérard du Centre Option Travail. Bonjour Sandrine. Bonjour. Alors, Option Travail accompagne des jeunes adultes dans leur intégration professionnelle. Donc, en fait, vous n'aidez pas que les immigrants, mais aussi des Québécois natifs, des néo-Québécois, etc. Oui, effectivement. Option Travail s'adresse à une clientèle de 16 à 35 ans. Donc, dans les services réguliers, tout le monde peut... Tout le monde est bienvenu. De cet âge-là, oui, bienvenue. Okay. Voilà. Donc, ça, c'est le service régulier qu'Option Travail offre. Mais vous, vous vous occupez particulièrement des immigrants. Alors, pourquoi Option Travail a décidé d'ajouter une nouvelle branche à son organisation, un programme spécial immigrant? C'est à la suite de quelle observation, de quel constat? Ben en fait, c'est le ministère de l'Immigration qui nous a proposé ce mandat-là il y a quand même au moins 10 ans que ça se fait. Et le ministère souhaitait qu'on intervienne dans les classes de francisation parce que bon, les personnes qui sont en francisation ont déjà des questionnements par rapport à leur intégration, en particulier professionnelle, et aussi pour éviter qu'une fois qu'ils aient terminé la francisation, ils ne retrouvent pas de ressources, ils soient perdus un petit peu dans la nature. Mm-hmm. Alors on voulait aider à l'accompagnement, à faire le pont en fait entre la francisation et les services externes qui existent. Ok. Et si on parle des jeunes immigrantes que vous aidez, alors qui sont-elles? Quel âge elles ont? Quel bagage scolaire elles ont? Parce que ça s'adresse quand même à des jeunes femmes. Hein? Alors, c'est assez varié. En fait, si on parle de la clientèle que je rencontre moi dans les classes de francisation, il y a des jeunes de 17 ans et il y a des personnes âgées là qui seraient probablement à la retraite. Ok. Y en a effectivement qui vont rester probablement à la maison. Donc ça, c'est au niveau de l'âge. Au niveau de la scolarité aussi, c'est varié. Il y a des personnes qui ont à peine mis les pieds à l'école. Les pieds à l'école, même l'école primaire. Ça dépend vraiment de d'où elles viennent. Et qui sont des fois carrément analphabètes dans leur langue. Alors imaginez, apprendre le français, c'est pas facile. Et d'autres personnes qui sont très scolarisées, même avec un doctorat. Alors, c'est vraiment varié. Les statuts aussi. Ouais, leur parcours d'immigration. Leur parcours, oui. La raison pour laquelle elles ont émigré. Ça peut être des personnes qui sont réfugiées, qui ont vécu soit la guerre ou des conflits à l'intérieur de leur pays, des menaces de mort, ou quelqu'un qui décide volontairement d'immigrer. Mais alors, est-ce que ces gens-là ont l'autorisation de travailler ici à Québec? Tous ceux que je vois, moi, oui, elles ont la résidence permanente. Donc oui, elles ont l'autorisation, elles ont un numéro d'assurance sociale. Et alors, peu importe leur statut, leur âge, etc., comment vous aidez ces femmes-là? Comment vous intervenez auprès d'elles? La première rencontre, elle se fait dans groupe, dans la classe de francisation. Donc c'est en présence du professeur. Et puis, je me présente et je présente aussi de l'information pour qu'elles aient une connaissance un peu de base avant de les rencontrer en individuel sur la façon dont ça fonctionne ici, les études, la façon dont ça fonctionne le marché du travail, puis derrière le marché du travail, les valeurs, la culture québécoise, comment on peut s'intégrer, comment on peut continuer sa carrière ou au contraire s'orienter différemment. Donc en fait, ce que vous offrez, c'est pas tant une aide pour vraiment la recherche d'un poste, mais vous préparez ces femmes-là à adapter leurs compétences, à vraiment à la préparation, à leur entrée sur le marché du travail. Mais là, vous leur offrez pas vraiment une liste d'emplois en non. disant vous pouvez postuler à ça ou à ça. Oui, ça peut être d'abord une déception parce que certaines personnes peuvent s'attendre à ce qu'on les place vraiment, on prenne un peu leur avenir en charge. Malheureusement, c'est pas ce qu'on fait. Alors ça peut amener une déception, mais l'objectif c'est vraiment d'amener la réflexion et d'élaborer un plan avec elles. Donc théoriquement, à la fin de la francisation, elles doivent savoir où aller. Et c'est souvent qu'elles décident de continuer le français parce que le français de la francisation, c'est le français de base. Et pour intégrer, surtout si elles ont une formation de qualité, enfin, supérieure, là, ça va être difficile d'intégrer tout de suite un emploi sans continuer au moins le français écrit, par exemple. Oui, effectivement, parce qu'en fait, le français qu'elles apprennent en cours de francisation pourrait être très différent du français qu'elles auraient à utiliser dans leur emploi, surtout si elles travaillent dans un domaine très spécialisé. Oui, le vocabulaire, les termes techniques, tout ça. Et souvent, ça peut être un moyen de l'apprendre, en fait, au cours d'un stage. Et il y a des programmes de stage qui existent. Moi, je donne toutes ces informations-là et je fais la référence, là, vers les ressources. OK. Donc, en fait, vous partez vraiment de leur plan de carrière, de leur idée de vie et vous les aidez à rendre tout ça possible. Oui, c'est ça. Je parle de leurs besoins, leur situation actuelle. Tout à l'heure, on parlait de l'âge de ces femmes-là. Pour les plus jeunes, est-ce que ça peut pas être une barrière face à un employeur? Parce que on entend souvent les jeunes natifs dire que leur difficulté, c'est le manque d'expérience. Alors j'imagine que qu'est-ce qui se passe pour une immigrante qui a peu d'expérience et qui en plus cette expérience vient de l'étranger? Comment vous gérez un petit peu pour les plus jeunes? Effectivement, c'est une grande barrière, encore plus grande pour les personnes immigrantes, il faut pas se le cacher, et encore plus grande si elle vient d'une minorité visible. Alors, l'idéal, c'est d'arriver à trouver un premier emploi. Même les étudiants, les jeunes qui ont beaucoup d'expérience, on peut trouver un premier emploi, mais c'est souvent beaucoup en bas de nos qualifications. C'est un petit job étudiant. Voilà, un petit job, on dit. C'est d'accepter ça, d'accepter cette réalité qu'il va falloir commencer par là. Ça va les aider beaucoup pour améliorer leur français, pour comprendre un peu mieux comment ça fonctionne ici. Et souvent, ça va être un tremplin pour la suite. C'est aussi l'importance du réseautage, là, de connaître du monde. De connaître du monde, de se faire valoir aussi, qu'ils se fassent apprécier dans leur milieu de travail. Souvent, pourquoi un employeur, il recherche ça? C'est pour avoir des références. Et les références, on peut les obtenir, c'est sûr, d'un emploi, mais aussi du professeur de français, des moniteurs, si la personne a fait du bénévolat. J'avais oublié cette partie-là, mais ça aussi, c'est important. Et tout peut être valorisé et compté comme une référence. Donc c'est encore de l'intégration sociale qui est en amont de l'intégration professionnelle, et ça faut pas la négliger pour une personne qui vient d'arriver. Et donc c'est pour ça que pour les immigrants, c'est aussi important d'accepter des petits emplois qui correspondent pas nécessairement à leur formation et à leur rêve de carrière pour avoir des références, parce que les références c'est quelque chose de très québécois. Oui, et puis c'est pas, ils pensent souvent que ça vient qu'on doit parler de ses compétences, etc. Puis souvent l'employeur québécois les compétences, bon, ça, à la limite, on peut les acquérir. Il va regarder ça, c'est certain, mais surtout aussi beaucoup l'attitude, les qualités de la personne. Et dans n'importe quel emploi, ça s'observe, on le voit, quelqu'un qui arrive à l'heure, même dans son cours de français. Le fait d'être ponctuel, l'interaction avec les autres étudiants, la facilité de communication, s'il est passionné, enfin, il a à cœur de travailler dans son cours de français, pose des questions, tout ça. Alors, vous donnez un sacré coup de main à ces immigrantes. Merci beaucoup. Coucou Sandrine Gérard, vous travaillez à Option Travail. Alors, merci. Au revoir. Au revoir. Capsule. Capsule. Capsule. Capsule. Capsule historique. Monsieur Diop, bonjour. Bonjour. Alors, vous travaillez au comité d'adaptation de la main-d'œuvre immigrante à Québec. Dites-moi, historiquement, les immigrants de Québec n'ont quand même pas toujours eu de la difficulté à s'intégrer professionnellement? Bon, je peux dire que ça n'a pas toujours été le cas, étant donné que, bon, l'immigration a évolué beaucoup dans la région aussi. Les premiers immigrants, c'était surtout des boat people, des gens qui, pour d'autres raisons, comme politiques ou autres, sortaient de leur pays, puis venaient chercher une vie meilleure au Canada, entre autres. Donc, on ne peut pas parler d'immigrants à ce moment-là, parce que maintenant, on fait la distinction entre les immigrants et les réfugiés. Ces gens étaient comme des réfugiés politiques. Donc, les réfugiés, c'est des gens qui n'ont pas choisi de se déplacer nécessairement, alors que les immigrants ont planifié leur déplacement. Alors, à cette époque-là, je pense qu'il n'y avait pas de ces gens aussi étaient dans des créneaux qui n'étaient pas très, très occupés par les natifs, et notamment dans la restauration ou dans la couture, par exemple. Donc, il n'y avait pas de difficultés particulières d'intégrer le marché du travail, étant donné qu'ils avaient leur créneau à eux, puis que tout le monde avait des emplois, c'était le temps de la révolution tranquille. Donc, en ce moment-là, il n'y avait pas d'immigration planifiée comme telle, comme on le connaît aujourd'hui. OK. Et à partir de quand les immigrants, alors, ont connu des difficultés à s'intégrer professionnellement, et pourquoi? Ben, je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer ça. On remarque partout dans le monde que lorsqu'il y a des crises économiques, le problème de l'immigration commence à ressurgir. Les difficultés d'intégration commencent à ressurgir. Tantôt, je parlais de la révolution tranquille, du fait qu'à l'époque, il y avait des emplois, du fait que les réfugiés avaient leur créneau à eux. Mais quand on a commencé à planifier l'immigration comme on la connaît aujourd'hui, après différentes ententes qui ont été conclues entre Québec et le fédéral, donc il y a eu une immigration planifiée où on cherchait des gens, des professionnels qui venaient d'autres pays. Et avec les crises économiques et tout, donc les gens qui venaient d'autres pays cherchaient l'emploi sur le même terrain que les natifs. Donc c'est différent des premiers cas de réfugiés qui avaient leur créneau à eux. Donc en ce moment-là, donc il y a des crises économiques, il y a des difficultés d'emploi. Donc quand les natifs ont commencé à avoir des problèmes, les immigrants ont commencé à avoir des problèmes aussi. En fait, c'était un petit peu trop de monde autour du même gâteau, finalement. Exactement, c'est ça. On peut parler ainsi. Et est-ce que vous pouvez faire un survol historique des réformes mises en place à Québec pour faciliter l'intégration professionnelle des immigrants, genre les moments déterminants et les tournants? Je pense qu'il faut faire un retour en arrière un peu, parce qu'en fait, l'immigration comme on la connaît aujourd'hui, elle n'a pas toujours été comme ça. Je l'ai dit tantôt, il y a eu différentes ententes. Je pense que la toute première entente, c'est Lingue-Cloutier, en 71. Ensuite, il y a eu un autre, Andras, Bienvenue, quelque chose comme ça. C'est l'entente Colonne-Couture, en 78, qui a mis sur pied vraiment l'immigration comme on la connaît actuellement, et a parlé des programmes d'intégration en emploi. Il y a eu des programmes d'accès à l'égalité à l'emploi dans les organisations publiques, notamment au niveau de la fonction publique aussi. Donc, il y a eu ces éléments-là qui se sont mis en branle pour favoriser cette intégration-là. Donc, on pourrait dire que c'est vraiment à partir de 78 qu'on a le souci d'intégrer les immigrants professionnellement via les lois et les décisions, les réformes, etc. Exactement. Et est-ce qu'il y a eu des réformes ou des projets pilotes concernant spécifiquement les femmes immigrantes? Mais pour les femmes immigrantes, je ne dirais pas qu'il y a eu des programmes spécifiques par rapport à ça. Je pense que ça, c'est les organismes communautaires qui déposent des projets de temps à autre pour favoriser l'intégration de ces personnes au marché du travail, leur sortie de leur isolement. Mais il n'y a pas de programme spécifique comme tel, à part ce projet dont je vous parle, qui dit, ben voilà, les femmes immigrantes, on doit s'en occuper de telle façon. Mais on remarque dans certains programmes, comme au Centre Louis-Joliette, par exemple, programme de francisation et d'intégration professionnelle, oui. Il y a eu des moments où il y avait plus de femmes que d'hommes, parce qu'il y avait le souci de faire en sorte que ces femmes puissent sortir de leur isolement, parce qu'il y avait des problématiques qu'on a constatées, parce que c'est des femmes qui n'étaient pas scolarisées pour la plupart, qui ne parlaient pas français, qu'il fallait remettre sur le marché du travail. Donc, on ne peut pas parler de programmes spécifiques comme tels, mais je sais qu'il y a le Centre international des femmes, puis l'Association des femmes entrepreneurs immigrantes qui vont mettre des programmes sur pied, mais c'est des programmes spécifiques à eux, mais ce n'est pas des programmes gouvernementaux planifiés comme tels. Et on sait qu'un obstacle majeur à une intégration professionnelle rapide et satisfaisante, eh bien, c'est la reconnaissance des diplômes, des acquis, des compétences. Et depuis ces 10 dernières années, alors comment ça a évolué ce dossier-là? Ok. Il faut dire que ça, c'est un des dossiers qui a beaucoup évolué dans le domaine de l'intégration des immigrants. Parce qu'on s'est rendu compte très tôt que ça, c'est une des difficultés majeures d'intégration en emploi. Donc, il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été mis là-dessus. Il y a 2 ou 3 ans, le gouvernement a mis beaucoup d'argent là-dedans. Et je pense que il y a plusieurs ordres professionnels, comme les ingénieurs, les infirmières, les hygiénistes dentaires, les acupuncteurs, les chimistes, l'ordre des pharmaciens, qui ont vraiment mis sur pied beaucoup d'outils pour favoriser cette reconnaissance des acquis et compétences. C'est sûr qu'au niveau du Collège des médecins, ça pose toujours un petit problème, mais il y a eu beaucoup de progrès dans ce sens-là, et on peut dire que maintenant, il y a plus d'instruments qu'il y avait il y a 3 ou 5 ans. Alors, ça favorise l'intégration, même si ça va compte-gouttes, quand même, il y a eu du progrès vraiment dans ce domaine-là. Et alors, comment faudrait-il que ça évolue pour que l'intégration des femmes se fasse de manière plus naturelle, je dirais? Moi, je pense que la première des choses, il faut laisser les femmes elles-mêmes déterminer les projets qui vont permettre leur intégration au marché du travail. Les femmes savent leurs difficultés. Ce ne sont pas des hommes dans leur bureau qui peuvent dire, bon, les femmes ont besoin de ça, ça, ça, ça, ça. Il faudrait que c'est des femmes même qui disent, ben voilà, nos problématiques propres et voilà les moyens que ça prend pour sortir de ces problématiques-là. Ça aide. Et de deux, il faudra faire en sorte que chaque programme qui est mis sur pied, qu'il y ait comme un volet femme là-dedans. Parce que les femmes immigrantes ont plus de difficultés que les hommes immigrants en général. Alors, il faudrait aussi faire en sorte que les femmes qui sont dans les programmes puissent être vues, connues, que ces femmes qui réussissent puissent être vues, connues, qu'on puisse se rendre compte que les autres femmes se disent « Ah, mais tiens, c'est possible pour moi aussi. » Merci beaucoup, Monsieur Diop. Ça m'a fait plaisir. Au revoir. Au revoir. Cette semaine, pour le portrait, j'ai rencontré Tatiana. Tatiana est brésilienne, elle est arrivée à Québec il y a un peu plus d'un an. Elle a recherché du travail intensivement pendant 7-8 mois sans rien trouver, puis elle s'est retournée vers le SWAT. Elle a décidé qu'on se rencontre à l'hôtel de ville tout simplement parce qu'elle travaille maintenant à l'hôtel de ville. Allô Tatiana. Allô. Alors ici, on est à l'hôtel de ville. Alors laisse-moi deviner, tu as choisi cet endroit parce qu'en fait tu travailles ici, c'est ça? Oui, je travaille ici depuis le mois de février comme conseillère ressources humaines. Et ton accent qu'on entend là, il vient d'où? De Brésil. Et depuis combien de temps es-tu à Québec? Mais aujourd'hui, ça fait 1 an et 3 mois. Pourquoi est-ce que tu as choisi Québec comme ville d'adoption? C'est quoi un petit peu ton histoire d'immigration? OK. Bon, moi, je viens du Brésil. Là-bas, c'est sûr qu'on a... J'avais une belle carrière, mais il y a aussi des problèmes. C'est pour ça que j'ai décidé de quitter le Brésil. Puis à un moment donné, j'étais ici pour les vacances à Montréal, puis à Québec. J'ai aimé vraiment la ville. Et j'ai entendu parler qu'il y avait un programme d'immigration. Moi, j'étais avec mon chum, puis on a décidé de dire, oh, pourquoi pas, c'est une des plus belles villes au monde, vraiment. Puis la qualité de vie ici, c'est super. Je peux pas dire plus que ça. Et puis, tu disais que tu avais une belle carrière. Dans quel métier tu exerçais au Brésil? Au Brésil, moi, j'étais toujours en ressources humaines. Donc, j'ai travaillé pour une des plus grosses banques au Brésil. Mm-hmm. Puis, je donnais des cours à l'université. Je faisais les deux choses en deux même emplois. Temps. Oui. Des cours de? Des cours de gestion en ressources humaines. Donc en fait, toujours lié. Oui, et en fait, là, ici, tu as trouvé un emploi vraiment lié à ta formation, mm-hmm. lié à ton champ de compétences. Oui, oui, oui. C'est okay. vraiment qu'est-ce que je faisais à la base. Mm-hmm. Et donc, tu es à Québec depuis un an et un peu plus. Mmh. Tu as commencé à travailler tout de suite en arrivant ici aux ressources humaines de la ville de Québec ou tu as eu d'autres expériences de travail en arrivant? Bon, je dirais, ça a pris 7-8 mois de recherche d'emploi active avant d'avoir l'opportunité ici pour la ville de Québec. Et quand tu dis 7-8 mois de recherche active, ça c'est toute seule, chez toi, devant ton ordinateur? Une partie, oui. Oui. Mais à partir du mois de janvier, j'ai décidé d'aller chercher quelque chose de plus. Mm-hmm. Parce que, même si j'ai les connaissances en ressources humaines, on pense qu'on sait tout, mais ici, c'est toute notre culture, puis la façon de chercher un emploi, c'est différent mm-hmm. aussi. Donc, je suis allée au SWAT. C'était ma conseillère à Emploi Québec qui m'a indiqué. Mm-hmm. J'ai aimé vraiment ça. J'ai eu l'opportunité de faire le programme de mentorat, qui ça m'a aidé beaucoup. J'ai eu une mentor très, très, très bonne, mm-hmm. vraiment, qui... C'est plus... C'est pas seulement pour dire quoi faire, comment chercher l'emploi, c'est plus aussi pour donner de la confiance. C'est plus pour nous, finalement. Puis c'est la même chose, quand je suis arrivée au SWAT, j'étais vraiment dessous de toute la recherche que j'avais faite ouais. à maison. Puis ça changeait vraiment la façon de penser ma recherche, finalement. Bon, là, tu me dis que tu es allée au SWAT en janvier et tu travailles ici depuis février. Oui. Donc, le SWAT, ils sont efficaces. Mais oui, j'étais quand même la troisième semaine quand j'étais au SWAT. C'était encore la période de recherche d'emploi. Mm-hmm. Quand j'ai eu des nouvelles d'ici, j'avais passé une entrevue quand j'étais à la deuxième semaine. Puis la troisième semaine, bon, ça a recommencé. J'ai même pas terminé les trois semaines de formation. Et puis toute la période où tu recherchais un emploi toute seule, avec les connaissances que tu avais d'ici et toute ta bonne volonté, qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile dans cette période-là, par exemple, par rapport à ce que tu connaissais au Brésil? Mm-hmm. Comment ça se passe, une recherche d'emploi au Brésil, et comment ça se passe quand on arrive ici, qu'on est brésilienne, puis... Je dirais que c'est à peu près la même chose. C'est toujours que là-bas, on a déjà notre réseau des contacts. Mais oui. Fait. Ici, on arrive puis on connaît personne. On sait pas à quelle porte frapper finalement. C'est ça. C'était un peu la difficulté que j'ai trouvée. Puis même pour les gens, quand la personne arrive avec un CV qu'on connaît pas, c'est quoi la formation? Mm-hmm. Même si c'est écrit équivaut à un bac ici, peut-être que les gens font même pas comprennent même pas c'est quoi, qu'est-ce qu'on apprend à l'université là-bas. Puis c'est vraiment la même chose. Je sais que c'est plus difficile mm-hmm. à ce moment-là. Mais ici, à partir du moment ici, c'est plus actif, je dirais. C'est quand on appelle les entreprises et qu'on explique notre profil, ça va mieux. Mais juste avec un CV. Sur l'Internet, un CV, ça donne rien. Mais en plus, je pense aussi qu'ici, c'est plus axé sur les CV par rapport à l'affichage d'emploi. Mm-hmm. Donc, il faut vraiment que les CV correspondent à ce que la personne avait demandé. Mais là-bas, non, c'est différent. On écrit le plus possible. C'est un peu c'est ça que j'ai remarqué, des différences. Peut-être que c'est pour ça que ça n'a pas bien été au début, parce que j'ai fait mon CV avec ma pensée brésilienne. Ouais. Ce qui est normal aussi. C'est ça. Et puis, est-ce que tu penses que le fait d'être une femme immigrante, à un moment donné, ça a pu freiner ton processus d'insertion ou pas du tout? Pas du tout. Je suis dans un milieu, c'est sûr qu'il y a plus de femmes que d'hommes, en ressources humaines. Mais non, je pense pas qu'il a changé quelque chose. Non, ça, c'était jamais une question pour okay. moi. Ça dépend de milieu. C'est sûr qu'il y a des milieux qui, n'importe quelle femme, un immigrant ou non, une immigrante ou non, elle va avoir plus de difficultés. Le fait d'être une immigrante avec des enfants, je pense que ça change rien vraiment dans mon expérience. Mm-hmm. On fait respecter les droits de la personne, finalement. Mm-hmm. Donc, c'est jamais une question. Mais c'est sûr que la personne je dis, ça peut importe si c'est une immigrante ou une Québécoise, c'est toujours la façon que la personne va aborder la situation qui va créer ou non des problèmes. Si dans ma vie, je suis capable de montrer que je fais mes tâches, que je suis là au moment qu'ils ont besoin de moi, je pense pas que ça va poser de problème pour à personne. Mm-hmm. Donc, en fait, tout est dans la manière de dire les choses et de concevoir les choses. Toi, t'es immigrée juste parce que, j'avais envie, la situation au Brésil, est-ce qu'elle était plus difficile, donc c'était un bon moment pour immigrer, ou c'était juste une envie comme ça, après avoir vu Québec? Bon, c'est ça que la situation là-bas, c'est pas facile au niveau de la sécurité. Donc, j'avais vécu des problèmes à ce niveau-là. Et c'est pour ça que j'ai décidé peut-être d'avoir une vie plus tranquille ici pour pouvoir avoir mes enfants aussi. Et ça serait plus tranquille à ce niveau-là des sécurités. Mais c'est sûr qu'il y avait d'autres points beaucoup positifs là-bas. C'est vraiment, on pense au doux, puis on fait doux. C'est quoi qui va être plus important pour nous dans notre vie, mm-hmm. à ce moment-là, on prend une décision. C'était pour ça. Pas de regrets, alors? Pas du tout. Bon, on arrive à la fin de notre rencontre. Alors, tu as décidé de nous faire écouter quoi comme musique? C'est une musique du groupe de la troupe Sherazade, « Ce qui ne tue pas ». C'est une musique qui a changé ma vie à un moment donné, l'hiver ici. C'était mon premier hiver. Ça, c'est difficile. Oui. Qui a changé vraiment la façon d'aborder les choses, parce que j'étais un peu triste après 7 mois de recherche d'emploi et de rien trouver. Puis c'est à ce moment-là, j'ai décidé de que c'était moi qui étais la personne responsable pour changer ça. Donc, en fait, les paroles de cette chanson t'ont fait réagir un petit peu, et c'est à partir de là que t'as changé certaines choses? C'est ça. Okay. C'est ça. Bon, ben super, je te remercie beaucoup, Tatiana. Bon, merci. Bye bye. Bye. Même après les douleurs, les larmes et les pleurs, après les silences, les coups dans le cœur, la peur qui s'avance, après les erreurs, il reste une chance, un autre bonheur. Même après avoir pris un mauvais départ, après avoir dit que tout est trop tard, que l'on vit sa vie sans trop la vouloir, il reste l'envie de nouvel espoir. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. La vie est un combat, un corps à corps. C'est sur cette chanson de la comédie musicale Sherazade que l'on se quitte. C'est Tatiana qui a choisi cette chanson. Je la remercie pour sa participation à l'émission. Je remercie aussi Micheline Randolph, Thérèse Bisping, Sandrine Gérard et Mamadou Diop. Je vous invite à consulter notre site web au www.ckiafm.org. L'émission y est disponible en téléchargement et vous y trouverez toutes sortes d'informations fort pertinentes. Un gros merci à Denis Roberge à la technique. C'était Sophie Gall pour l'émission Égalité genre féminin. Je vous souhaite une bonne journée sur nos ondes. À la semaine prochaine. Cette émission est réalisée en partenariat avec les ministères de la Culture, des Communications et de la Condition Féminine.